que tu es un doctorat ou que tu n'es pas, ça n'a pas d'importance. Puis ça t'amène à une autre étape. Ça amène l'ego à réaliser que lorsqu'il est dans l'intelligence, il commence à maîtriser son moi. C'est-à-dire qu'il commence à maîtriser l'énergie qui sert à donner à son intellect, son émotionnel, son vital et son physique une personnalité, c'est-à-dire une qualité de vibration permettant à tous ces principes-là, réunis ensemble dans un enveloppe, de fonctionner en harmonie. C'est ce qu'on appelle l'identité. Là, il est bien. Là, il commence à se sentir bien parce que tout d'un coup, il commence à se sentir monolithique. D'une pièce. Il chante. Pas un accordéon, là. Ses autres plans. Il n'est pas intéressé aux autres plans. S'il voit des autres plans, puis il rentre des autres plans, là, il est intéressé parce qu'il est dedans. Puis quand il n'est pas dedans, il n'est pas intéressé. Il est intéressé et il chante. Fait que là, ça le mène à une autre affaire. Ça le mène à réaliser l'importance de sa vie matérielle. Pas comme il l'a réalisé avant, parce que la façon qu'il réalisait sa vie matérielle avant, c'était en fonction des autres égaux qui recherchaient la connaissance. Tandis que Castor, il est plus intéressé aux autres égaux qui recherchent la connaissance, il est intéressé à vibrer, lui, en harmonie mentale, émotionnelle, vitale et physique. C'est ça qui l'intéresse. Autrement dit, être bien dans sa peau, autrement dit, avoir une capacité d'être heureux dans les conditions qui peuvent être créées par lui, selon sa capacité de travailler avec l'énergie des dedans. Fait que ça amène l'ego à être. Être. Qu'est-ce que ça veut dire, être? Être, ça veut dire ne pas chercher à être. Quand tu es, tu ne cherches pas à être. Ça veut dire que quand tu es, tu ne cherches pas à l'extérieur de toi-même quelque chose pour te patcher, pour te donner l'impression d'être. Quand tu es, tu ne cherches pas la philosophie, tu ne cherches pas la psychologie, tu ne cherches rien à l'extérieur, tu ne cherches pas les communications, tu ne cherches pas à apprendre, tu ne cherches pas à communiquer avec des anges ou des arcanges. Tu ne cherches rien quand tu es. Tu es. Quand tu es, tu ne cherches pas à être. Mais tant que tu cherches à être, tu n'es pas. Puis quand tu n'es pas, ben là, tu es obligé de faire le processus inverse. Puis t'en arrives à réaliser quelque part que t'es ici, en dehors de l'intelligence. C'est normal que l'ego cherche à être, autrement dit, cherche à être complet. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, être? Ça veut dire être complet. Fait que quand t'es pas complet, tu cherches à l'être, fait qu'automatiquement tu cherches à être, et automatiquement tu souffres de pas être. Comme tu souffres de ne pas être, tu souffres de ta personnalité, tu souffres de tes insécurités, tu souffres de toutes tes patentes, puis tout ça, c'est des illusions. Mais c'est pas facile pour l'ego, parce que l'ego, lui, il sait qu'il n'est pas complet, il sait qu'il cherche à être, et automatiquement, il vit de toutes ces patentes-là qui font qu'il n'est pas complet et qui l'amènent à chercher à être complet. Fait qu'automatiquement, il fait la gaffe que tous les égos planétaires sur la Terre font. C'est de se convaincre de la nécessité d'être complet. Autrement dit, tous les égos sur la Terre, ils veulent évoluer. C'est tout là qu'ils se mettent dans la merde. Tout le monde veut évoluer. Pourquoi est-ce que l'ego veut évoluer? Il veut évoluer parce qu'il a un regard sur lui-même qui est imparfait parce que son regard ne lui permet pas de réaliser qu'il y a en lui de l'intelligence et que cette intelligence ne peut pas le servir. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le servir? Parce que lui, il a l'impression qu'elle devrait. C'est subtil, parce que c'est tout dans l'esprit, cette patente-là. C'est tout dans l'esprit. De sorte que le chien, il est plus que l'ego. Il est aussi avancé en possibilité. Mais il est plus que l'ego. Mais son être-té n'est pas aussi avancé que celle de l'ego. Le chien, lui, suit les lois de la nature. L'ego, lui, il va toujours contre les lois de la nature. Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de la connaissance. Au nom de l'avancement, du progrès, de la recherche. C'est pour ça que le phénomène de l'intelligence, sur la Terre, c'est un phénomène qui est totalement neuf. Puis les gens ne sont pas habitués à cette patente-là. Ils ne sont pas habitués à ça, l'intelligence. De la même façon qu'ils ne sont pas habitués à l'amour et qu'ils ne sont pas habitués à la volonté, l'homme n'est pas habitué au principe cosmique en lui. Et il les recherche. Le plus drôle, c'est qu'il recherche. Puis le plus drôle, c'est qu'il pense qu'en les recherchant, ils vont y trouver. Lorsqu'en fait, sa recherche fait partie de l'assujettissement vibratoire de son mental et de son émotionnel à un état mental supérieur dont il ne connaît pas l'origine et les causes. Il est raison d'être. Fait qu'il se passe dans le monde aujourd'hui à cause des conditions climatiques de l'esprit. Il se passe dans le monde aujourd'hui une recherche, une course au salut, une course à la conscience, une course à l'évolution, une course à la spiritualité, une course. Tout le monde est en course. Tout le monde fait du jogging. Il faut que l'homme, un jour, réalise qu'aussitôt qu'il réalise quelque chose, il est déjà dans l'intelligence. Aussitôt que tu réalises quelque chose, t'es dans l'intelligence. Fait que t'as pas besoin de te casser la tête. Après ça, it's just a matter of time. C'est si tu réalises rien, que t'es en dehors de l'intelligence. Mais si tu réalises quelque chose, t'es déjà dans l'intelligence. Comme quoi? N'importe quoi. Aussitôt que tu réalises quelque chose, c'est dans l'intelligence. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu réalises, toi? Qu'est-ce que tu réalises, toi, aujourd'hui? Ah, c'est déjà dans l'intelligence. Voilà, c'est. Tu ne réalises pas parfaitement ça. Tu réalises que t'en sais moins que tu pensais, mais tu ne réalises pas l'importance d'avoir réalisé ça. Parce que le fait que tu as réalisé ça, tu vas te permettre de réaliser d'autres choses. Mais si tu n'avais pas réalisé ça, cette petite niaiserie-là, ça t'aurait bloqué le restant de tes jours. Parce que tu aurais été pris dans l'illusion du reste. Voilà ce que tu veux dire. Tu aurais ramé toute ta vie là-bas. Tu comprends? Là, tu arrêtes de ramer. Tu te carres. Ton esprit devient plus carré. Parce que tu rames quand tu t'es rencontré. Mais tu rames moins. Tu rames. On a de la difficulté en tant qu'homme de réaliser ce qu'on réalise. Parce que c'est pas aussi facile qu'on pense de réaliser ce qu'on réalise. C'est-tu quand est-ce qu'on s'aperçoit que c'est pas facile de réaliser ce qu'on pense? Que c'est pas aussi facile? C'est quand quelqu'un te met le bois dans les roues, ou quelqu'un t'abstine, ou quelqu'un va contre ce que tu dis. Quand vous travaillez dans un bureau, là, vous travaillez à l'hôpital ou à l'école, que vous avez les oppositions des autres égaux, c'est là que vous réalisez que c'est pas aussi facile qu'on pense de réaliser ce qu'on pense. Parce qu'aussitôt que tu réalises quelque chose, tu es obligé d'absorber l'énergie de cette intelligence-là qui découle, qui déferle sur ton mental, sur ton émotionnel, qui affecte ton vital et ton physique sans que tu t'en aperçoives. Autrement dit, qui te crée un choc dans ta personnalité, mais qui te fait grandir. Et un homme, le phénomène d'être dans l'intelligence, c'est un phénomène de perception. C'est un phénomène vibratoire, c'est pas un phénomène quantitatif. L'intelligence. Il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais ceux qui l'ont moins que d'autres, parce qu'ils peuvent moins l'exploiter que d'autres, l'ont pareil. Vous, la petite madame avec des lunettes, là, en arrière de... Vous, la petite madame, là. Bon. Qu'est-ce que vous réalisez, vous? Qu'est-ce que vous savez pour sûr? Y a-t-il quelque chose que vous savez pour sûr? Non, pas elle. L'autre avant. Quoi? Qu'est-ce que vous savez, là, que vous êtes sûr d'être sûr? Y a-t-il quelque chose que vous savez que vous êtes sûr d'être sûr? Dans, au niveau de votre intelligence, il n'y a rien que vous êtes sûr d'être sûr. Ouais, mais ça, c'est une perception. Je parle du savoir. Tu veux dire quelque chose, Islaine, que t'es sûr? Toi, tu le sais, ça. Toi, de l'autre. Supposons que tu prends une toile. Tu as une petite épingle bien fine. Tu passes un petit trou dedans. Tu as de l'eau au bord de la toile. Éventuellement, l'eau va traverser la toile. L'épingle peut être bien fine. Mais aussitôt qu'elle transperce la toile, l'eau va passer de l'autre bord. Moi, ça prendrait 10 ans. Elle va passer de l'autre bord. Mais réaliser quelque chose, être sûr de quelque chose, que ce soit n'importe quoi. Le fait que tu réalises quelque chose, puis que t'es sûr d'être sûr, c'est le petit trou dans toi. Tu peux pas, tu ne peux pas, ne pas arriver à ton intelligence. Puis ce point-là, même s'il apparaît bien abstrait, faut que je le fasse, parce qu'il est bien parfait. Parce que ça, c'est la clé qui va vous permettre de réaliser de plus en plus votre intelligence. Mais si vous n'avez pas quelque part dans votre vie ce petit trou dans votre toile, comment il serait bien petit? Mais si vous n'avez pas dans votre vie quelque part cette réalisation d'être sûr de quelque chose, qui est une réalisation qui fait partie de votre intelligence, vous ne pouvez pas rentrer dans l'intelligence. Vous allez toujours rester dans votre intellect. On peut se tromper d'être sûr de bien des affaires tout d'un coup. OK. C'est bon que tu demandes ça. Quand t'es sûr d'être sûr, t'as pas l'impression d'être sûr. OK? T'es pas intéressé à être sûr, t'es pas intéressé à combattre avec d'autres que t'es sûr, t'es pas intéressé à faire de discussion que t'es sûr, t'es pas intéressé à ta discussion. Quand c'est ça. Finalement, ça se discute plus quand t'es sûr. Ça fait partie de ton intelligence. Si l'autre veut le prendre, tant mieux. S'il veut pas le prendre, ça fait rien. Fait quand t'es sûr d'être sûr, t'as pas besoin... Comment j'ai dit ça? Voilà. Quand... T'as pas besoin de l'impression d'être sûr. T'as pas besoin de vérifier avec d'autres? Non. Quand t'es sûr d'être sûr, t'as pas besoin de personne. C'est instantané, c'est intégral. C'est une forme de fusion. C'est un aspect de la fusion. T'as pas besoin de... Comment il y a tout le monde contre toi, ça n'a pas une crise importante. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est... ceux dans l'avenir qui vont... Ceux dans l'avenir qui vont parler au public, qui vont parler dans le monde, puis qui vont introduire au monde le concept du principe de l'intelligence, la conscience supramentale, vont avoir besoin d'être sûrs. Sans ça, le public va vous faire craquer. Parce que quand vous allez commencer à parler des philosophes, des scientifiques, des ci, des ça, ils vont vous mettre en boîte. Puis si vous avez des oppositions du public, puis vous n'êtes pas capable de rester totalement dans votre mental et que vous descendez au niveau de votre intellect, votre émotion, vous allez perdre le pouvoir de votre intelligence automatiquement. Vous allez balbutier vos mots. Vous ne serez pas capable de réécraser cette forme qui vient vers vous pour lui donner une autre vitalité. Fait être sûr, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui fait partie de la relation entre l'énergie et le mental de l'homme. Et non l'énergie et l'émotion de l'âme. Alors l'énergie, ça sert de votre mental pour... Puis quand tu es sûr d'être sûr, tu ne peux pas être en dehors du sûr d'être sûr. Tu peux pas être en dehors de ça. Puis il y a comme un mystère là-dedans. Il y a comme quelque chose qui est inexplicable là-dedans. Ça s'explique à ceux qui ont cette vibration-là. Puis ça se sait par toi-même. Fait que ça se sait par toi-même, puis ça s'explique avec ceux qui l'ont. Mais ça peut pas se discuter. Parce que n'importe qui peut dire, ben oui, si tu penses que c'est blablabla. N'importe qui peut donner, ils ont, ça fait partie de leur faculté, ça fait partie de leur raison, et ils ont raison de le faire. Fait que c'est bien subtil, l'intelligence. Non. Non. Ça, c'est avoir l'impression d'être sûr. Quand t'es sûr, tu comprends les arguments qu'on t'apporte et tu les éclaircis pour faire comprendre aux gens qui les apportent quelque chose que toi, tu sais et qu'eux autres ne savent pas encore parce qu'ils sont pas encore sûrs d'être sûrs. Quand t'es dans l'intelligence, tu t'arranges toujours pour amener les autres personnes dans l'intelligence, pas pour détruire leur personnalité. Comprends? Mais t'es pas toujours capable, même tu peux être sûr d'être sûr de quelque chose. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es capable de le faire. C'est pour ça que je dis être sûr d'être sûr, c'est un état d'équilibre entre le mental inférieur et le mental supérieur. C'est un état d'esprit, être sûr. C'est pas une qualité de l'esprit, c'est un état d'esprit. T'as plus d'émotion pour empêcher ton mental de vibrer à la vibration du supramental. Fait que tout part. Fait que si l'énergie passe de telle façon pour faire vibrer telle forme, pour créer tel choc, t'es pas d'émotion là, t'as pas d'ego pour empêcher ça. C'est là que t'amènes l'autre personne à comprendre quelque chose. Fait que toi, tu canalises. C'est ça, être sûr. C'est un état d'esprit. C'est pas une attitude. Parce que je vous garantis que c'est pas aussi facile que vous pouvez penser de parler en public quand vous êtes dans la conscience supramentale. C'est pas aussi facile que vous pensez. Parce que tu peux être sûr de quelque chose, mais tu peux ne pas avoir le pouvoir de le canaliser, ce sûr-là. Mandez ça à Chiasson quand t'as la télévision, mandez ça à Daniel Machin. Les autres sont en Radio-Canada, c'est un titre. Alors, tu peux être sûr d'être sûr, mais t'as pas encore la capacité de faire passer toute l'eau à travers la toile. L'eau, si t'as pas passé par un petit trou ou un plus grand petit trou, c'est trop long. Faut que t'en arrives éventuellement à pichir à toi complètement puis à laisser passer l'eau sur le public. C'est ça, être sûr. C'est ça, la conscience supramentale. Y a rien qui peut t'arriver. Parce que tu mets tout en miettes. Mais tu mets tout en miettes pour reconstituer. Tu mets pas tout en miettes pour détruire. Mais, ceci part d'un point, du petit point d'entoile, qui est la réalisation. Et la réalisation, c'est l'instantanéité de conscience que prend l'homme lorsqu'il réalise qu'il sait. Puis si tu sais, Charlie, il n'y a personne qui va venir te voir et te dire, « Ouais, tu sais, toi. » Faut que ça soit par toi que tu sais. Puis ça, c'est pas facile. C'est par nous-mêmes qu'on sait. Qu'on sait. C'est par nous-mêmes. L'homme saura qu'il sait par lui-même et non pas par un autre. Elle me demande la soirée. Elle dit, pensez-vous que je commence à avoir de la volonté? J'ai dit, quand tu auras de la volonté, tu le sauras. Ben, elle dit, tu commences à avoir de la volonté. Là, elle va partir chez elle, elle est contente. Ben là, elle dit qu'elle a de la volonté, là. Elle n'a pas une crise de la volonté. Elle s'en va vers lentement, vers la volonté, vers la volonté. Ça grandit, la volonté, ça grandit. Dans 2 ans, on va en avoir plus. Dans 4 ans, on va en avoir plus. Dans 5 ans, on va en avoir plus. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va en avoir plus. L'intelligence, la même chose. Sans son cela. Par vous autres, vous saurez si vous avez de l'argent. Par vous autres, vous saurez si vous avez de la volonté. Moi, je vous donne simplement les outils pour y arriver à ça. Par vous autres, vous confirmerez, vous saurez si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Sans ça, si vous savez par d'autres quelle sécurité vous avez. Tout d'un coup, je vous en pissette, comme il disait mon chum. Comme je dis souvent quand je dis, je me fais l'avocat du diable. Supposons que j'étais un chien. Supposons que j'étais un charlatan. Oui. Si j'étais un charlatan, c'est moi qui le sais, c'est pas vous autres. Je ne peux pas être votre sécurité, moi. Mais vous autres, vous pouvez être votre propre sécurité. Alors, le petit trou dans la toile, c'est bien important, le petit trou dans la toile. Il faut que chaque homme l'ait, ce petit trou dans la toile-là. Que vous l'ayez pas tout de suite, c'est pas grave. Un jour, il faut que vous l'ayez un petit trou dans la toile. Ceux qui l'ont un petit trou dans la toile, je connais. Là, là, c'est des petits trous plus grands que d'autres. Mais c'est pas la grandeur du petit trou qui compte. C'est le fait qu'il y en ait un petit trou. Elle, elle n'a pas assez des maudites expériences. Elle a son petit trou dans la toile. Elle a son petit trou dans la toile. Elle connaît son petit trou dans la toile, puis moi je connais son petit trou dans la toile. Puis pendant qu'on pensait qu'elle capotait, elle était prête à faire son petit trou dans la toile. Mais quand il parlait, tu voyais qu'il y avait deux langages. Il y avait un langage qui faisait partie du petit trou dans la toile, puis il y avait l'autre langage qui n'était pas encore sûr, qui couvrait un petit trou dans la toile. Fait que c'est à Dieu pour ses amis, puis le monde. Et là, elle a son petit trou dans la toile. Puis il grandit son petit trou dans la toile. Puis elle a eu des amis qui l'ont suivi dans le développement de son petit trou dans la toile. Eux autres, c'est à l'avant. C'est ça, d'amitié. Mais le petit trou qui se forme dans la toile d'une personne, il se forme pas de la même façon dans la toile de l'autre. Le petit trou dans sa toile à elle, le petit trou dans sa toile à lui, le petit trou dans sa toile à elle, c'est des petits trous différents. Chacun a sa façon à lui-même de former le petit trou dans sa toile. C'est pour ça qu'on doit être à l'écoute de tous ceux qui sont en train de percer le petit trou dans la toile. Lui, il est en train de faire son petit trou dans la toile. Il faut que j'écoute ce qu'il a à dire, lui. Moi, mon petit trou dans ma toile, il est fait. Fait que s'il est fait, le mien, je devrais être capable de comprendre son petit trou dans la toile, lui. C'est ça, l'intelligent. Au lieu de bloquer le petit trou dans la toile. C'est pour ça qu'ils disent qu'aussitôt qu'un homme a une réalisation, quelque minime qu'elle soit, cette réalisation, elle a son poids en or. Elle est valable, absolument. Regarde, c'est pas ça. C'est des affaires de temps, puis d'expérience, puis de communication, puis de parlage avec, ainsi de suite. Puis il y a un phénomène extraordinaire dans le petit trou d'entoile. C'est que dans le petit trou d'entoile, il ne peut pas y avoir de mensonge. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est trop petit pour que le mensonge rentre dedans. Il est trop petit. C'est tellement infime, c'est tellement... Ça se comprend-tu ce que je vous dis, ça? C'est tellement imperceptible, c'est tellement abstrait, c'est tellement dans l'esprit, ça, cette affaire-là, quand tu sais quelque chose. Que le mensonge ne peut pas rentrer dedans. Autrement dit, l'illusion ne peut pas rentrer dedans. Si t'as trop grand, tu trouves peut-être que l'illusion rentre dedans. Fait que tu n'as qu'un petit peu. Puis après ça, il devient un petit peu plus grand. Puis après ça, il devient un petit peu plus grand. De sorte que votre trou dans votre toile, il va grandir au fur et à mesure que vous perdez la capacité d'être embarqué par vous-même. C'est pour ça que c'est si long, le développement d'intelligence. Et au fur et à mesure que vous allez devenir intelligent, au fur et à mesure que vous allez perdre la capacité de ne pas l'être. C'est-à-dire d'être dans l'illusion d'intellect. De même que ça marche. Fait qu'occupez-vous pas si votre petit trou il est petit ou s'il est plus grand. Il y a la grandeur qu'il doit avoir. Mais méfiez-vous de vouloir avoir un trou plus grand que celui que vous avez besoin maintenant. Là, vous allez faire des mots de gaffe. Là, vous allez penser que vous êtes intelligent, vous allez penser que vous êtes sûr, vous allez penser que vous savez, puis vous savez, vous ne saurez rien. C'est avec le temps que vous allez réaliser que vous ne saviez pas. Vous pensiez que vous saviez. Puis ce qui agrandit le petit trou, c'est l'orgueil. L'orgueil, il va tout vous donner, il va tout l'agrandir, votre petit trou. Vous faites sentir que vous comprenez un petit peu plus. Vous ne comprenez pas plus. L'orgueil vous donne une dimensionnalité qui est haute. Mais avec le temps, la vie va vous montrer que vous êtes des patates. Parce qu'une fois que vous commencez à rentrer dans le petit trou, il y a toujours plus d'énergie qui vient, puis plus d'énergie qui vient, puis ils vont vous accrocher quelque part dans le temps. Moi, je peux vous dire des affaires. Puis dans 6 mois, ça va vous accrocher. Dans 2 ans, ça vous accrocher. Vous allez écouter une cassette un jour et vous allez dire, maudit, c'est à ça qu'il vous a dit l'enfant de chien. Parce que tu vois qu'il y a un estimé, il dit, ah, oh, je comprends tout ça, ce que tu me dis. Parfait. Parfait. Parfait. Je suis content. Je ne vais pas commencer à combattre, puis à me battre avec, puis discuter avec, puis des sans dessin. Ça ne fonctionne pas de même. L'intelligence, ça ne fonctionne pas de même. Tu comprends tout ce que je dis? Parfait. Je fais comme les Japonais. Mais moi, je sais que tu vas venir dans 3 semaines, dire, maudit, j'ai des tensions. Ah, je pensais que tu comprenais. Mais dis-moi aussi, je pensais que tu comprenais. Que je comprenais. Là, tu commences à comprendre. Ouais, ça marche. Je gagne tout le temps. C'est un chien. Heureusement que je gagne tout le temps. Heureusement que j'ai toujours raison. Parce que si j'avais pas mon petit trou, moi, vous auriez pas de vôtre. Parce que l'ego n'est pas fait. Parce que l'ego a été endormi et l'ego a été empêché pendant des siècles de réaliser qu'il y avait son petit trou. Un petit trou des autres, mais le sien, non. Hein? Notre petit trou, on a là. Le curé, il avait son petit trou, puis le politicien, puis le président, puis l'église, ils ont tous leurs petits trous, eux autres. C'est des gros trous. Et nous autres, notre petit trou, ça valait pas la marre. J'ai parlé au doyen de comment ça s'appelle, le je sais pas si c'est le recteur, mais non le recteur, moi. La paroisse Notre-Dame, une journée, il était tout ébranlé, il était tout amorti que je pouvais parler du bon Dieu, moi. Oh. T'as tout amorti. Quelle place que vous avez ça, quelle place que vous avez appris ça, j'ai dit, c'est mes jumps qui me parlent. Ça, c'est de la question. On n'est pas capable d'avoir notre petit trou. Faut qu'on l'achète, notre petit trou. T'as ton petit trou catholique, t'as ton petit trou juif, t'as ton petit trou cachot. Fait que c'est bien important, votre petit trou. Son frère, son maman. As-tu vu? Tu l'as pas vu, hein? Je voudrais te répondre à vos questions dans cette jasette-là. Arrêtez les questions. Ok. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on a peur de faire des gaffes? Parce qu'on se watch. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on se watch? Parce qu'on a peur de faire des gaffes. Comprenez-vous? C'est un cercle vicieux. Comprenez? Hein? N'as-tu d'autres questions? Quand on fait des gaffes, c'est de l'expérience pour nous autres. Puis avec le temps, on apprend à en faire moins parce qu'avec le temps, on devient plus intelligent. Puis avec le temps, on s'aperçoit qu'on est manipulé. Puis avec le temps, on arrête d'être manipulé. Puis avec le temps, on développe. On va contre l'inertie intelligente. Puis avec le temps, on rend intelligent. Fait qu'on fasse des gaffes, c'est normal. Et ça nous sert. Pardon? Là, on dit, t'es comme un stop de violon. Et tu sais, toutes les gars, tu sais, à un moment donné, tu vas faire ces chiens-là en haut, hein? À un moment donné, ça me met nerveux. Mais tu me dis, ah, t'es comme un stop de violon. T'es un petit peu moins nerveux, là. Un petit peu moins d'émotion, là, t'sais, ça rend plus, là. Mais au début, là, tu dis, ah, t'es comme un stop de violon. Mais qui, là? C'est pas comme toi, moi. Ouais, ouais, mais. Non, ça sent bien. Ouais, ouais, d'accord. Oui, c'est évident que si je te dis dans un temps que t'es comme une corde de violon, ça te permet de réaliser certaines choses. C'est évident qu'avec le temps, tu vas changer. T'es moins comme une corde de violon que t'étais avant parce que tes vibrations changent. Normal. C'est normal. Ben oui, ça va mal. Arrête de te plaindre. Toi, tu te plains. Toi, t'es comme un... Toi, t'es comme un Z. T'es barré de bord en bord. Quand tu vas arrêter de te plaindre, tu vas commencer à développer une sorte de sensibilité vis-à-vis toi-même et tu vas commencer à réaliser que tu es bien plus intelligent que tu penses. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton intelligence. C'est que ton intelligence, quand tu fais quelque chose, toi, tu ne l'amènes jamais à bout. Aussitôt que ça bloque, t'arrêtes. Ça, c'est pas bon. Parce que ça crée en toi automatiquement un refoulement émotionnel. Mais quand tu vas faire quelque chose, tu vas l'amener à bout. Tu vas commencer à tuer l'émotivité en toi. Tu vas devenir très calme, plus mental, plus intelligent. Faut que tu amènes les affaires à bout. Tu les amènes pas à bout. Toi, si tu faisais l'amour avec une femme, tu arrêterais dans le milieu. Comprends-tu? Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que tu as peur d'avoir des enfants. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? D'autres questions? C'est des principes que j'explique. Elle est toujours là, le gars du bassin. Je m'en sers. Tu ne pourras pas dire que je suis en piscette, là. Mais, moi, j'essaie de toutes sortes de façons de vous faire comprendre, parce que c'est tellement abstrait de l'intelligence, pourtant c'est tellement concret. Mais, c'est facile de parler à quelqu'un de l'intelligence quand quelqu'un est dedans et qui est dans la vibration, ainsi de suite. Mais quand tu es après à expliquer ça, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence parce que les gens ne sont pas encore dedans. Fait que c'est comme si tu es obligé de pointer dans un avenir quelconque. Et cet avenir-là, il n'est pas là pour le gars encore. Mais une fois que les gens commencent à le saisir, ça, ils peuvent comprendre les propos abstraits comme des petits trous dans la toile que je veux dire, puis ça a une valeur réelle d'explication, ça. Parce que faut qu'on réalise qu'on est des êtres qui absorbent constamment. On absorbe constamment. On absorbe par les livres, on absorbe par les nouvelles, on absorbe par la télévision, on absorbe. Moi, j'ai vécu une expérience derrière moi, c'est intéressant. Je regardais ça à la télévision, la fête du Turin, là, de Turin. Turin, le voile de Turin. Tu as des scientifiques qui sont pour le soir et qui disent, mon soir, c'est techniquement, ça ne peut pas être une copie. Là, il y en a un autre qui vient d'arriver aux États-Unis, à Washington, là. Lui, il dit, ils ont des instruments. Lui, il dit, bon, ben, on a trouvé du cadmium, puis on a trouvé de la peinture sur le soir. Fait que là, tu es prêt à deux situations. Tu as deux scientifiques qui sont objectifs, puis il y en a un, il parle de la peinture, puis l'autre, il parle du sang. Le gars, lui, qui est en dehors, qui est pris dans ses émotions, qui est pris dans ses sentiments, dans son sentiment spirituel, j'espère qu'il n'est pas poigné avec ça. Fait que j'ai dit à eux autres en haut, j'ai dit, c'est un fake, c'est pas un fake? C'est du sang ou c'est pas du sang? Il dit, c'est les deux! Il dit, ça a été pogné, t'as pogné pendant des siècles de temps, qu'est-ce que tu veux, si tu taponnes la matière? Les peintres ont touché à ça, ils ont regardé ça, ils sont mis dedans, ils ont pris dessus. Fait qu'ils ont touché à patente. Fait que là, c'est là que la science perd le contrôle de son pouvoir d'éclaircissement. Parce qu'ils vont être toqués. Il y en a un là qui va se faire une personnalité internationale, l'autre qui se font leur personnalité internationale, puis nous autres, les yo-yo, on est pris entre les deux. Puis t'as l'Église qui attend en arrière pour voir ce qui se passe, espérant qu'avec tous les chapelets qui disent que ça va être reconnu un jour comme étant réel. Fait que je peux pas aller à scientiste-là ou à scientiste-là ou à la Ligue, je suis obligé de dire à eux autres. Parce que quel bord que c'est? Ils disent, c'est ça. C'est réel, mais il y a eu de la peinture ici. Fait que ça me satisfait. C'est vrai? Mais quand t'es pas dans ton intelligence, t'es mal pris. Mais une basse vibration est planétaire. Ouais. Non, t'es rendu bien fait. T'en veux-tu? Tu devais le point de prix. Moi, j'ai oublié. Okay. Cette affaire, elle va être confirmée, là. Parlant de confirmer. Ah, OK. Faut que l'homme confirme son intelligence par lui-même. Par lui-même. Comme lui, son intervention en soi est bonne. Parce que lui, ça fait partie de son expérience d'en arriver à confirmer son intelligence par lui-même. Faut que l'homme en arrive à confirmer son intelligence par lui-même, parce que si l'homme ne fait pas ça, l'homme ne pourra jamais comprendre s'il a été dominé. S'il est dominé et qu'il est dominé bien plus loin qu'il pense. Quand tu prends des gars comme lui, Claude, en arrière, ou des gars comme Croteau qui ont des expériences dans les plans. Puis qui s'aperçoivent l'organisation extraordinaire de ces plans-là, puis jusqu'à quel point ça peut dominer l'homme, ça fait partie de l'évolution de l'homme. C'est quelque chose. C'est pour ça que moi, je vous dis que plus vous allez avancer dans le temps. Même si aujourd'hui vous pouvez questionner ce que je vous dis ça, moi ça ne change rien. Moi ça ne change rien à ma vie que vous questionnez ce que je dis. Le point n'est pas là pour moi. Mais moi je peux vous dire que dans le temps, vous allez réaliser que ce que je vous dis c'est ça. Mais dans ce temps-là, vous le saurez parce que vous le saurez, pas parce que je l'ai dit. Je vous l'indique, moi. Mais dans le temps, vous le saurez parce que je vous l'aurai dit. Et c'est votre propre intelligence qui vous fera réaliser que c'est le même. Alors, on doit confirmer par nous-mêmes ce que l'on sait. Ça, c'est pas parfait. Parfait. Pas facile pour des gars comme toi. C'est fatigant parce que je suis toujours obligé de dire, mais plus tu souffres, plus tu es intelligent. C'est pas ça que je veux dire. J'ai des choses quasiment tu peux pas dire parce que c'est pas ça que tu veux dire, mais t'es obligé de les dire parce que ça sert à quelque chose. Moi, j'en connais des gens qui souffriront pas gros dans l'évolution, c'est lui, là, le grand avec des lunettes, je sais pas comment ça s'appelle, ton mari, elle. Il souffrira pas gros, lui, parce qu'ils ont eu ses souffrances. Il y a des gens qui ont eu leurs souffrances dans d'autres passages, dans d'autres évolutions. Il y en a d'autres qui doivent les vivre pour d'autres raisons. Il y a toutes sortes de raisons, puis c'est personnel. Ça faudra voir chaque individu. Mais toi, tu vas te souffrir parce que telle raison, toi, tu ne souffriras pas parce que telle raison. Fait que je ne peux pas évoquer la souffrance. Mais je suis obligé de dire que dans le développement de l'intelligence qui amène l'homme à la construction d'un corps morontiel, il y a une souffrance de l'homme quelconque. D'ailleurs, ils me disent une chose. Les gens souffrent parce qu'ils ont des têtes de cochon. Parce que moi, je suis ça. Moi, j'ai souffert pour ouvrir un chemin dans la forêt de l'homme. Fait que c'est pas nécessaire que l'homme souffre. Autant. Mais si les gens étaient suffisamment en dehors de leur mou de orgueil intellectuel, de l'idée qu'ils ont, de la conception qu'ils ont de la vie, les gens pourraient avancer puis écouter ce que je dis pour en arriver à comprendre bien les affaires par leur intelligence puis pas avoir à souffrir autant. Mais il y a une déformation dans la personnalité de l'homme. Il y a des gens qui ont des complexes d'insécurité. Il y a des gens qui ont des complexes de supériorité. Il y a des gens qui ont des doctorats. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation. Il y a toutes sortes de monde. Moi, je le sais que je suis pas un cadeau. Heureusement que je suis pas un cadeau. Seulement les gens qui sont capables de m'apprendre au niveau vibratoire, pas au niveau des mots, ceux qui sont capables. Ils ont assez d'intelligence et de vibration en eux, de sensibilité au niveau de leur évolution, ils peuvent aller vite en maudit. Et c'est pas facile. Moi, je peux pas me mettre dans votre peau. Je sais pas comment ce que je ferais si j'étais dans votre peau. Je pense que je me lancerais une roche ou un os. Mais quand tu as commencé, Bernard, quand tu as ben, j'ai souffert, certain, j'ai souffert. Faut que je parle comme je parle, faut là que je souffre. Hein? Ça prend la souffrance, la souffrance, ça va être la souffrance, ça fait changer. Oui, mais moi, j'ai pas changé. Moi, j'ai pas souffert, ben, j'avais une tête de cochon. J'étais fusionné. J'ai souffert pour ajuster mes corps pour pouvoir parler comme je parle aujourd'hui. Sans ça, j'aurais jamais laissé sortir ça de la façon que je parle. Tu sais comment est-ce que je parle comme un shortier? Ma personnalité ne te permettra pas. Fait que je créerai pas de chat. Penses-tu que je parlerais de pissette en public comme je parle? Je parlerai du bon Dieu puis des anges. Bon. Ça va nous. Mais vous autres, vous n'avez pas besoin de souffrir ça. Mais ce qui bloque l'homme, c'est toujours l'intellect. Ça a toujours été la même affaire. C'est pour ça que je suis en train de préparer du monde à pouvoir un jour continuer à parler, puis à parler, puis à parler, puis à parler. Parce que moi, un jour, m'arrêter, moi, je suis fatigué de parler. Et j'en ai plein ma bouteille, moi. Toi, tu parles pas, tu jases. Toi, t'es comme une machine à boules. Tu mets 30 dessus dedans, puis les boules partent. Ah ouais, donc. Une vieille salope. T'es comme ça?